Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Que j'échappe enfin aux femmes, à l'alcool et aux tripots. Je t'en prie, Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Jivaro, Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Que j'échappe enfin aux femmes, à l'alcool et aux tripots. Je t'en prie, Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Le ciné, la télé, et même le LSD n'arrive plus, Jivaro, à me faire décoller. Je t'en prie, Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Jivaro, Jivaro, je vais exploser bientôt sous le poids de la vie, de ma femme, de mon auto. Je t'en prie, Jivaro, vide vite mon cerveau. Je t'en prie, Jivaro, réduis ma tête à zéro. Jivaro, Jivaro, vide vite mon cerveau.